Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, quand la vie privée devient publique, une série de Manon Prigent réalisée par Séverine Cassard. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'entre Instagram et YouTube, qui nous permettent d'assouvir nos penchants de voyeurs ou d'exhibitionnistes, on s'est souvenu que déjà Match et VSD assouvissaient nos mêmes penchants. Et dans vos oreilles aujourd'hui, la fille cachée d'un président, de l'adrénaline, de la politique, des scoops et un photographe aux aguets qui planque patiemment en attendant l'instant décisif. Mais pour commencer, deuxième épisode, on sourit à l'objectif. L'affaire Mazarine. La vie privée au service du pouvoir. Manon Prigent, Séverine Cassard. Moi, j'ai travaillé sur cette histoire. Donc, si vous voulez, en France, dans le petit landerneau politique, dans le petit microcosme franco-français, l'histoire Mazarine fait date. C'est-à-dire que la frontière entre le people et le politique devient de plus en plus floue et elle n'existe presque plus. Parce qu'avant Mazarine, lorsque les politiciens fricotent avec la presse people, c'est ridicule. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une photo géniale de Jacques Chirac qui voulait parler aux jeunes, qui voulait toucher les jeunes. Et il s'était mis en scène, assis par terre dans l'herbe, je crois, à l'Élysée, avec un Walkman sur la tête, avec des coussins orange, et en train d'écouter Madonna, ou je ne sais pas. Enfin bon, personne n'y croit, quoi. Et c'était un peu... comme ça que ça se passait avant. Là, il y a une porte qui a été ouverte. Et d'ailleurs, la presse people, pour le coup, a commencé à mettre des hommes politiques dans des histoires, alors qu'avant, dès que c'était un politicien, on apprenait que tel politicien était avec telle personne, on ne touchait pas, parce qu'il n'y avait pas de marché. Ça ne servait à rien d'aller faire l'histoire, parce que personne n'aurait publié l'histoire. Et peut-être que oui, effectivement, tout d'un coup, on a commencé à voir apparaître des histoires impliquant des hommes politiques, des ministres. Sans doute que c'est une des conséquences de l'histoire Mazarine qu'on a faite. Ça, on peut décemment le penser. Le 3 novembre 1994, la France découvre sur du papier glacé le visage de Mazarine Pinjot. Une jeune femme de 20 ans, en compagnie du président de la République de l'époque, François Mitterrand. Sous le titre « Le bouleversant récit d'une double vie », Paris Match écluse en quelques jours tous ses tirages. Dans le milieu de la presse, ce secret n'en était pourtant pas un. Mais tous les journalistes, ou presque semble-t-il, avaient choisi de le taire. Qu'a-t-il bien pu se passer pour que ce secret s'affiche en lettres capitales, en une de Paris Match ? L'itinéraire de cette photo nous en dit long sur l'histoire qui unit presse people et pouvoir politique. Mais elle raconte également comment se dessine au gré des événements la ligne de démarcation entre le domaine de la vie privée et celui de l'intérêt public. On a tellement affaire à ces gens toute la journée que bien évidemment on a envie de voir ce qu'il y a derrière le vernis. Tout le monde a envie de voir, c'est un sentiment naturel. Pierre Su, photographe, paparazzi. Si on vous dit, vous êtes dans une pièce, vous avez deux portes. Celle-là, elle est ouverte, vous pouvez y aller. Et celle-là, il ne faut surtout pas y aller. Mais elle n'est pas fermée à clé. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ouvrent la porte qui est interdite, évidemment. À choisir. Voilà, c'est tout simple. La presse people a proprement parlé, démarre en France dans les années 90, et notamment sous l'impulsion d'un titre comme « Voici ». Qui va multiplier les reportages, notamment les reportages photos, assez indiscrets sur des vedettes et sur des personnalités publiques en général, ce qui n'était pas le cas de la presse qu'on appelait la presse de boulevard ou la presse de célébrité jusqu'alors. Jamil Daklia, sociologue des médias. Maintenant, il y avait un certain nombre de titres qui sont nés dans l'après-guerre, comme Ici Paris ou France Dimanche, qui étaient au départ des journaux d'actualité généralistes et qui se sont spécialisés avant, voici, dans la vie des vedettes. Mais c'était des reportages assez consensuels, souvent faits avec l'accord des vedettes, y compris lorsqu'il semblait être fondé sur des photos volées, par exemple. Mais c'était souvent un accord entre les imprésarios et ces journaux-là. Jean-Michel Pedrazzani, vous avez été directeur des rédactions du groupe Ici Paris entre le début des années 70 et la fin des années 80. Est-ce que les hommes politiques, enfin les personnalités politiques de cette époque-là étaient des vedettes comme les autres ? Non, on ne peut pas dire qu'elles étaient des vedettes comme les autres. On parlait des politiques quand il y avait par exemple une élection présidentielle. Là, les candidats étaient passés au crible et on racontait un peu leurs histoires, mais il y avait quand même beaucoup de retenue. Par exemple, quand Mitterrand a été élu, on a oublié, gommé toute la période qu'il a passée auprès de Pétain, par exemple. Personne n'a voulu évoquer la Francisque. Il y a une espèce de retenue à ce moment-là, peut-être à tort, peut-être qu'il y avait de la lâcheté chez tous les journalistes, hein, pas seulement chez les nôtres, à prendre de front un personnage aussi considérable que Mitterrand, alors qu'on savait quand même qu'il allait être élu. L'affaire Mazarine, qui est survenue le 3 novembre 1994, si elle est intervenue, c'est à la suite d'un certain nombre de tentatives de dévoilement. On pense notamment à Jean-Yves Dernallier, à un moment qui avait fait des allusions à l'existence d'une fille naturelle de François Mitterrand. Et puis finalement, tout ça avait été enterré. Il y avait eu d'autres tentatives par le passé. Donc la question qui se pose et que vous me posez, c'est pourquoi à ce moment-là, on en a parlé? Pourquoi Paris Match en a parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je connaissais l'existence de la fille du président. Pierre Su, Paparazzi. Tout Paris, comme tout un chacun le sait, était au courant. Et moi, je l'avais entendu dire. Et c'était un peu la photo à faire, mais que personne ne réussissait à faire, mais parce que personne n'essayait de la faire, parce que tout le monde pensait que c'était trop compliqué, c'était trop difficile, étant donné que c'est la fille du président de la République. Donc, on peut penser à juste titre que ce monsieur est extrêmement bien protégé et que c'est un secret qu'il tâche de garder, parce que déjà en 94, Mazarine, c'est pas une petite fille, hein, elle est adolescente, elle finit ses études, donc ça fait longtemps que il y a tout un système qui s'est mis en place. Moi, je l'ai su après coup, si vous voulez, mais donc voilà, je savais qu'elle existait, mais c'est tout. J'avais jamais essayé de travailler sur cette histoire ni quoi que ce soit. Je connaissais des gens qui avaient essayé, qui avaient pas réussi, évidemment. Mais qui avait essayé, puis les journaux étaient soi-disant... Bon, ça, c'est des sujets un peu compliqués, un peu casse-gueule, quoi, comme on dit. C'est touchy, hein, faut faire attention. Dès qu'on touche à la présidence de la République, on se heurte à des... Enfin, c'est une autre dimension, quoi. Bon. Vous voulez dire que c'est plus un interdit un peu moral aussi? Peut-être que les gens se... Non, pas du tout. Non, c'est pas de l'autocensure de la part de la profession. Vraiment pas. Enfin, en ce qui nous concerne, nous, les opérateurs de terrain, de la base, les travailleurs, les petites fourmis, nous, non, c'est pas ça. Enfin, en l'occurrence, là, c'est pas une histoire où il y a une grande question morale à se poser. C'est un enfant avec son père. Bon, voilà, c'est pas un enfant malade. Bon, alors le père est malade à l'époque, mais c'est hors contexte, quoi. Ça rentre pas en ligne de compte du tout dans cette affaire-là. La prise de vue a eu lieu en mois de septembre 1994, vers je sais plus à quelle date précisément. Donc je suis en train de travailler sur une histoire différente, en train de planquer, comme on dit, deux célébrités, une française, une internationale, qui sont en couple, pas très loin de l'hôtel de Matignon. Et je suis en stationnaire dans ma voiture depuis plusieurs jours. Et j'arrive pas, à, comme on dit dans le jargon, à démouler cette histoire. Et je suis affublé à l'époque d'un assistant qui est le fils d'un patron de presse qui m'a été confié en tant que stagiaire, on va dire. Donc il vit ma journée au quotidien avec moi dans la voiture à attendre que... Parce que c'était des gens qui sortaient pratiquement jamais de chez eux ou c'était jamais comme on voulait, c'est-à-dire un par un, sachant que nous, tout ce qu'on veut... C'est illustré des histoires d'amour, donc un couple, dont les trois quarts du temps, hein, lorsqu'on travaille pour la presse People, il faut que les photos soient parlantes, donc il faut qu'ils se tiennent la main ou cerise sur le gâteau, qu'ils s'embrassent. Et là, ça se passe pas. Donc les journées n'en finissent plus, il pleut, enfin c'est une catastrophe. Et à un moment donné, je demande à ce jeune homme d'aller voir dans la boutique qui est juste à côté de nous. C'était une boutique d'art de la table, je me rappelle. D'aller demander s'ils avaient pas du sopalin et du Windex pour laver les carreaux. Parce qu'il faut toujours avoir les carreaux propres au cas où on fait des photos à travers les carreaux. Et quand il pleut et que vous êtes enfermé dans une voiture, il y a de la buée, donc faut tout le temps nettoyer les carreaux. C'est comme ça. Il y va et en revenant, il me dit « Écoute, la dame a très bien compris ce qu'on faisait. » Et elle voudrait te parler à l'occasion, parce que son neveu veut faire de la photographie et elle voudrait te demander des conseils. Bon, bah très bien, moi je me dis, bah super, faut toujours être bien avec les gens, surtout quand on reste 8 heures ou 10 heures d'affilée devant un magasin, c'est mieux d'être bien avec les gens qui tiennent le magasin, parce que sinon ils peuvent vous créer des soucis, appeler la police, etc. Surtout qu'on n'est généralement pas trop aimé des gens. Après, ça a été mille fois pire après l'affaire Diana, de toute façon. Et je vais parler à cette dame. Le neveu en question m'appelle, je crois, un jour après, ou je me rappelle plus exactement, ou deux jours plus tard. Je le rencontre brièvement dans un café. Et dans la conversation, il me dit, mais comme ça, écoute, hier j'ai dîné chez la fille de François Mitterrand. Alors je reste interloqué, je dis quoi ? Il me donne son adresse. Historiquement, la notion de vie privée est là aussi bien dans le contexte français, britannique, américain ou d'autres, a été conçue autour de la maison, du domicile et de la famille. Jean-Louis Alperin, historien du droit. D'une certaine manière, on peut dire que c'est un concept un peu bourgeois. C'est l'idée que le bourgeois, avec sa demeure, pas nécessairement propriétaire, beaucoup de bourgeois étaient locataires au XIXe siècle, hein, même quand on était riche, mais quand même, évidemment, ce ne sont pas des sans-domicile fixe, avec sa famille, avec toutes les valeurs qui sont attachées à la vie familiale et à ce qu'on considère comme privé, doit être protégé contre les intrusions extérieures, d'abord les intrusions de l'État, et donc c'est ce qui fait que la vie privée a été rattachée, avant qu'elle soit consacrée par un texte, à l'interdiction des perquisitions ou des fouilles arbitraires. Hein, on n'a pas le droit, même pour la police, d'entrer n'importe comment dans une maison, et l'État n'a pas à pénétrer, d'où l'image du mur, de ce qui est renfermé derrière le mur de la maison. Hein, la rue, c'est l'espace public. À l'intérieur, derrière le mur, c'est l'espace privé, qui est à l'abri de l'État, et le droit à la vie privée a été conçu d'abord comme une liberté, comme les autres droits de l'homme vis-à-vis de l'État, et on retrouve bien évidemment tout ce qui concerne l'essor de la presse et des médias, d'intrusions privées, d'organes de presse ou de personnes extérieures, qui, là aussi, n'ont pas à rentrer dans le domicile d'une personne sans son autorisation. Et tout cela va créer, après la Seconde Guerre mondiale, un mouvement de circulation qui amène à un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui protège la vie privée et familiale en 1948, un article de la Convention européenne des droits de l'homme en 1950 qui reprend aussi cette formule, et puis dans plusieurs pays du monde, une jurisprudence à propos notamment des délits de presse, mais pas seulement, qui protège la vie privée. Et pour le droit français, en 1970, une loi qui insère dans le Code civil, à l'article 9, la protection de la vie privée. En fait, depuis 1970, depuis une modification de l'article 9 du Code civil, sous l'impulsion du président de l'époque, Georges Pompidou, la loi française est devenue l'une des plus strictes en matière de respect de la vie privée, sans définir d'ailleurs ce qu'était exactement la vie privée, ce qui permettait à tout un chacun de s'emparer finalement de cette disposition. Jamil Dakhlia. Alors, Georges Pompidou, et ça, je dirais que la postérité l'a assez peu retenu, formait avec son épouse un couple qui était très mondain, très proche de la jet set, et notamment lorsqu'il était Premier ministre de Gaulle. Et le général de Gaulle lui avait demandé de mettre cet aspect-là en sourdine. Il n'empêche que son couple et sa femme donc, ont fait l'objet d'attaques de presse, de rumeurs malveillantes, notamment quant au fait que Claude Pompidou aurait participé à des parties fines. Et ce qui a circulé à l'époque, donc on est à la fin des années 60, c'était un photomontage qui semblait accréditer cette participation à des parties fines. Ça a énormément blessé le président Pompidou et il a pesé très fortement à une évolution du droit, notamment dans le code civil, en vue d'un respect strict de la vie privée. À partir de là, la monstration qu'il pouvait opérer de son couple, c'était quelque chose qu'il assumait complètement, mais qui était très encadré, qui était très consensuel. Dans cette continuité-là, on a quelqu'un comme Valéry Giscard d'Estaing qui a joué de sa pipolisation de manière peut-être plus dynamique, puisqu'il s'est montré sportif, ce que n'était pas Georges Pompidou. Il a beaucoup mis en avant son épouse Anémone et ses filles sur des affiches de campagne électorale. Mais là, encore une fois, c'est une pipolisation contrôlée. Quant à François Mitterrand, il a joué sur un autre registre. Certes, il a donné accès à sa maison de Latché. Il a mis en place... C'est mis en place, parce que c'est une coproduction, dans la pipolisation, les fameuses ascensions de la roche de Solutré, tous les ans, c'est devenu un rituel. Donc tout ça est contrôlé, tout ça va dans un sens plutôt soit sacralisant, soit plutôt bon enfant, familier, mais rien de dérangeant, rien d'original. Surtout, l'objectif, c'est de rassurer. Comme chaque dimanche de Pentecôte, François Mitterrand a gravi ce matin la roche de Solutré, l'occasion pour lui de faire un pèlerinage entouré de sa famille, de plusieurs amis et d'une multitude de journalistes. Merci beaucoup. Arrivé à 11h15 au sommet, un peu plus tôt que les années précédentes, le président était entouré de son fils, de sa belle-fille, de deux de ses petits-enfants et de Silex, un beau labrador noir, sans oublier une meute de reporters photographes. Et sans doute pas la place de dire ça. Je crois que derrière, il y a quand même une très longue histoire française, y compris on a célébré cette année. Edoui Plenel, journaliste, fondateur de Mediapart. C'est quoi ce bonhomme dont encore aujourd'hui on se réclame alors qu'on est une république qui est Napoléon Ier ? C'est un dictateur, il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus d'auto-organisation de la société, mais il y a la mise en scène du récit, il le théorise d'ailleurs. Et la mise en scène du récit, pas seulement par une presse qu'il fait lui-même, mais par des artistes qu'il recrute, y compris Talent, David, avec Le Sacre, toute une mise en scène de la privatisation de l'impératrice, et puis la répudiation de Joséphine, et toute cette histoire devient une histoire non, justement, ce n'est pas la cour monarchique à l'ancienne, puisque ce sont des anciens révolutionnaires qui prennent ces habits-là, mais c'est moderne. Il faut quand même un peu plus de logistique pour une histoire pareille. Pierre Su. Donc, j'appelle mon collègue, mon partenaire, avec qui je travaille au quotidien, qui n'est pas là, Sébastien. Et... Sébastien Vallier. Voilà, Sébastien. Et en 94, ça fait pas longtemps qu'on fait vraiment ce métier de paparazzi. Moi, j'avais 29 ans. Mais avant, je faisais pas cette genre de photos. Mais avant, j'étais correspondant à Los Angeles. J'habitais à Londres pendant 2 ans, 4 ans aux États-Unis. Je faisais les Oscars, je faisais... les Grammy Awards, les MTVs, bref, plein de trucs, mais pas ça. Et Sébastien Vallier là, pareil. Lui, il est débutant dans le métier, il est plus jeune que moi, Sébastien. Il a 7 ans de moins que moi, donc il a 22 ans. Donc je l'appelle, je lui dis, écoute, je lui raconte toute l'histoire. Et je lui dis, bon bah dépêche-toi, rentre tout de suite, prends le premier train, ramène-toi. Parce que quand on tient son sujet, il faut tout de suite continuer à bosser sur l'histoire, parce que c'est la fille du président de la République. On ne sait pas. Elle peut prendre un avion, bim, je la revois pas pendant 3 mois. Je ne sais pas. Bon, tout est possible avec ces gens-là. Ils ont des moyens à leur disposition. Si elle a les moyens de l'État, voilà. On peut décemment penser que peut-être elle a les moyens de l'État. D'ailleurs, après, on va s'apercevoir que oui, pour le coup. Il y a des anecdotes incroyables avec ça. Quand la moitié d'un peloton de gendarmerie a cherché son petit chat à l'aéroport à côté de Jarnac, je ne sais plus lequel, pendant une demi-journée, voilà, elle avait perdu son chat, elle pleurait, et un demi-peloton de gendarmerie a passé 4 heures à chercher son chat. Voilà, quand on est... bon, bah oui, c'est pour ça qu'on peut se dire... Ouais, c'est une histoire vraie, hein, vous pouvez vérifier, c'est extraordinaire cette histoire. Donc je dis à Seb, dépêche-toi, reviens vite. Et le lendemain matin, il est là avec moi. Entre-temps, on a fait nos devoirs, c'est-à-dire qu'on s'est renseigné pour savoir un peu plus précisément qui était Mazarine. Donc on sait que sa maman, c'est Anne Pinjot, on sait qu'elle travaille au musée d'Orsay. On a récolté plein d'infos et on essaie de se cacher derrière des voitures parce qu'il ne faut pas qu'elle nous voit, même si elle ne se méfie pas. Hein. On voit bien dans sa gestuelle qu'elle ne se retourne pas ni rien, tout va bien. Elle passe le musée d'Orsay, elle continue. Bon, on se dit, merde, elle va pas avoir sa maman. Bon, tant pis, on va voir, on continue à la suivre. Elle passe l'Assemblée nationale, elle arrive devant les Invalides. Et là, en arrivant sur la place, on comprend tout de suite. On voit la voiture du président et on commence à compter les agents de sécurité. Il y en a partout. Elle rentre au restaurant, le Divelec, et on a compris que là, elle va voir son père. Et pour nous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, il y a une fenêtre pour faire la photo quand ils vont sortir du resto. Et leur tourne, et puis là, ça se prépare. À un moment donné, on voit un garde du corps qui était à l'intérieur, qui sort du resto, couvre le coffre, qui prend l'impair de tonton et qui rentre dans le restaurant. Donc on se dit, ça y est, c'est imminent. Donc là, boum. On est un peu fébrile, quoi. C'est un gros coup, on le sait, et on n'aura peut-être pas deux fois cette opportunité. Hein. Donc, faut vraiment pas se rater sur ce coup-là. Et c'est casse-gueule techniquement, c'est une photo compliquée à faire, quoi. Mais il y a un moment où faut aller au charbon, faut la faire, la photo. C'est maintenant. Ah, je respire, et là, tac, ça commence à sortir vraiment les convives. Donc sort Anne Pinjot, mais moi je l'ai jamais vue. Mais je fais des photos quand même, hein. Mais très peu, j'ai que 36 vues, moi, donc faut que je gère mes 36 cartouches, on va dire. Donc je fais une photo, deux photos, tac, pas plus. Et là, je vois Mazarine qui sort. Mais elle sort toute seule, elle sort derrière sa maman, et son papa, il est pas là. Clac, clac, clac, clac, clac, je fais 3-4 photos, pas plus. Et là, je vois le président qui sort. Donc clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, je fais 10 photos, mais... Il s'éternise à dire au revoir, évidemment, comme il est bien élevé, à monsieur le Divelec, au chef, machin, truc. Et ça dure pour moi une éternité, quoi. Donc là, il se rapproche d'elle, de Mazarine. Il se rapproche. Donc je les ai en plein pied. C'est le scénario idéal pour moi. Les officiers de sécurité, ils sont à distance. C'est un moment un peu familial, hein. Après, on comprend. Clac, clac, clac, clac, clac. Là, je fais un peu plus de photos, mais j'en garde un peu sous le pied. On ne sait jamais. Et là vient le moment où je fais la photo, Mitterrand, il lui met la main sur l'épaule à Mazarine. Et là, c'est là la photo. Et je continue. Mais la photo, je l'ai. Je l'ai déjà. Ça y est, le coup, il est fait. Le coup est fait. C'est fini. Donc maintenant, passe la deuxième phase, la négociation, pour essayer de marketer cette photo, de la mettre en vente. Bon, on sait que cette photo, il n'y a pas 36 publications qui peuvent la passer. Il n'y en a que deux, parce que c'est pas pour les journaux People. Alors Voici existe déjà à l'époque, Gala, c'est pas pour eux, hein, ça c'est sûr. Parce qu'ils ne montent pas sur des histoires politiques, jamais. Leur précaré, c'est le showbiz, et ils restent là-dedans, et c'est très bien. Et de la politique, ils n'en veulent pas. Ils ne savent pas faire, c'est pas leur truc. Donc c'est pas pour eux. Donc après, il reste qui ? C'est pas pour les hebdos, c'est pas pour Le Point, l'Obs et tout ça, parce que c'est trop politique et eux, ils mettent pas de sous. Ils ont pas d'argent, de budget pour acheter des photos comme ça. C'est une photo comme ça, normalement, elle doit se négocier cher. C'est un gros scoop. Donc après, il reste plus que deux publications possibles. C'est soit VSD, soit Match. Bonjour. Dans son dernier numéro, Paris Match brise un des tabous de la presse française, celui de la vie privée des hommes politiques, en publiant des photos de François Mitterrand en compagnie d'une jeune femme de 20 ans, présentée donc comme sa fille. Elle s'appelle Mazarine, on la voit sur une double page sortant d'un restaurant parisien à côté du président. On notera qu'il s'agit d'un restaurant fréquenté habituellement par le tout Paris des affaires et de la politique. La légende souligne que François Mitterrand vient de déjeuner donc avec sa fille et qu'il ne cache plus. Ajoutons que Mazarine, qui est étudiante à Paris, a déjà accompagné le président en Afrique du Sud cet été et qu'elle assistait au banquet offert le mois dernier à l'empereur du Japon lors de sa visite en France. Deux constatations s'imposent. Avoir un enfant est incontestablement la plus belle chose du monde et c'est un droit qui ne mérite aucun commentaire. Deuxième constatation, c'est vrai, la presse française a franchi un pas. Jusqu'à présent, les journalistes gardaient pour eux leurs petits secrets lorsqu'ils touchaient la vie privée. Cette fois, il ne s'agit pas de Caroline de Monaco. Alors d'abord, Christophe Ondelat, qu'apprend-on dans Paris Match? Mais comme d'habitude, dans Paris Match, il y a d'abord le choc des photos avec une double page prise manifestement au téléobjectif de loin, à la sauvette par un photographe en planque. La photo est floue, mais le président pose sa main sur l'épaule de sa fille, il la regarde, un geste plein d'affection. Les autres photos sont un peu plus nettes, on y voit Mazarine et son petit copain, elle, veste trois quarts de cuir, cheveux relevés, plutôt jolie, lui, t-shirt et pull ras de cou. Les réactions à l'époque, celles auxquelles on a accès en tout cas, sont surtout celles qui transitent par les médias, le concert médiatique. Jamil Dakhlia, sociologue des médias. Les réactions ont été plutôt respectueuses. Il n'y a pas eu de réaction puritaine pour dire « mais quelle dissimulation, c'est honteux et puis c'est un adultère après tout ». Non, ça n'a pas été du tout le cas parce que en France, on était et on est encore dans un imaginaire machiavélien du pouvoir. On l'était encore plus à l'époque, sans doute, où on considère que un souverain ou un prince, pour reprendre Machiavel, a des passions et que ces passions sont plutôt un moteur pour qu'il assure son pouvoir de la bonne manière. C'est un moteur pour ses actions, mais ce qui compte, c'est le résultat de ses actions. Et puis, on a aussi cet imaginaire assez viriliste du pouvoir qui fait que si un dirigeant a des affaires extramaritales, ça va plutôt à son bénéfice, c'est-à-dire qu'on considère qu'il est puissant dans tous les sens du terme, et cette sorte de fantasme qui remonte à Henri IV, on va dire, hein, le ver galant. Et donc la réception à l'époque était plutôt bienveillante et plutôt dans l'acceptation de cette double vie. Mais à la différence de ce qui se passe aux États-Unis, et encore, je pense qu'il faudrait être plus nuancé sur ce qui se passe aux États-Unis, si on prend par exemple l'affaire Clinton, Monica Lewinsky, vu de France, on a l'impression que ce qui a été condamné, c'était le fait que Bill Clinton avait commis un adultère. En réalité, ce qui a choqué l'opinion américaine, c'était le parjure, c'était le fait qu'il ait menti lorsqu'on lui a demandé si oui ou non il s'était passé quelque chose. Donc on voit bien que ça se situe à un autre niveau. Et en France, et je dirais comme dans l'ensemble des démocraties, en réalité, ce qui est en jeu dans la réaction publique à de telles affaires, c'est souvent la manière dont l'homme ou la femme politique s'en sort, dont elle gère, il ou elle gère le scandale. C'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire que ces scandales ou ces révélations, ce sont des épreuves, d'une certaine façon, à partir desquelles on juge le personnel politique. Comment est-ce qu'il gère ça et qu'est-ce que ça dit de la manière qu'il aurait de gouverner, de gérer des problématiques plus sérieuses, mais aussi, est-ce que c'est quelqu'un d'authentique? Est-ce que c'est quelqu'un de transparent? Est-ce que c'est quelqu'un de solide? Ce qu'on a appris par la suite, donc Roland Dumas avait été au courant tout de suite, donc Mitterrand avait été au courant tout de suite, au moment où ils ont décidé de publier, ils ont demandé l'avis de la présidence, bon, on veut publier tel jour, c'est oui ou c'est non. Et Mitterrand aurait répondu, alors ça, moi, c'est ce qu'on m'a rapporté, mais je pense que c'est vrai, feu orange. C'est bien une réponse qui lui va bien, ça. Genre, débrouillez-vous, c'est feu orange. Ça veut dire oui, mais ça veut dire, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Ça veut dire, faites ce que vous avez à faire. On vous empêchera pas. En fait, ce qui s'est passé, et ça confirme ce que je vous disais sur cette forme de révérence de la part de la presse vis-à-vis du pouvoir politique, et aussi sur une forme de symbiose, de relation très forte entre la presse et la présidence de la République, ce qui s'est passé, c'est que ce reportage, certes, il a eu lieu, il y a eu des photos volées, mais Paris Match demande à l'Élysée s'il peut publier les photos. L'Élysée refuse, mais Paris Match a bien senti que c'était un refus plus mou qu'avant. et a compris à demi-mot qu'il y avait une autorisation. Et de fait, on a su par la suite que François Mitterrand souhaitait, avant la fin de son mandat et surtout sentant sa fin approcher, souhaitait que sa fille puisse enfin avoir une existence publique, enfin en tout cas être reconnue, ne soit plus un secret. Et donc vous voyez bien que cette volonté partagée de la presse et de l'intéressé, du principal intéressé, fait que le secret a été rompu. La réception sur le moment a été celle qu'il voulait, c'est-à-dire celle du roman. Edoui Plenel. Quelle histoire romanesque, et ça continue, les lettres à Anne, les témoignages d'Anne Pinjot elle-même, voilà, quelle histoire, quel roman, etc. Et je suis d'accord avec ça, c'est une histoire humainement intéressante, entre cette très jeune femme et cet homme à femme, par ailleurs, qui a son officiel, Daniel Mitterrand, et qui est un séducteur, et qui continuera à l'être, et qui a cette relation qui semble passionnelle, très amoureuse, avec, elle est toute jeune, Anne Pinjot, quand cette jeune fille, amie de proche, bon... C'est leur histoire, elle est racontée par Anne Pinjot, par sa fille, comme une histoire qui a une grande beauté, une grande originalité et au fond quelque chose de transgressif. Et on peut la lire à la Balzac, à la Flaubert, à la Maupassant, et si c'est Maupassant, ce serait plus aigre et plus complexe. Et donc la réception a totalement réussi de ce point de vue. Mais ce n'est pas l'histoire d'une vie privée qui serait protégée par l'État. Il s'agit plutôt d'un usage privatif de l'État par celui qui était président de la République. En l'occurrence, la révélation en 1994 dans Paris Match est une révélation orchestrée par François Mitterrand lui-même, par son entourage, par des communicants, avec le type de réseau qui aujourd'hui est encore au cœur de l'État, c'est la presse People, ces agences spécialisées dans la presse People qui ne sont pas des agences d'information, puisque les stars, elles aiment avoir une vie sur papier glacé. Elles sont là pour raconter une vie privée qui est arrangée. Elles sont là pour faire des reportages qui ont l'air volés, mais qui en fait sont totalement mis en scène. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec l'actuel couple présidentiel, avec l'un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, puisque c'est le même monde qui, à chaque fois, gère la publicisation de l'intimité de ces gens, comme un argument de propagande, comme un argument de popularité. Dans le cas de François Mitterrand, en 1994, c'est le François Mitterrand finissant, c'est le François Mitterrand qui est en pleine bataille sur le vote sur le traité de Maastricht, c'est le François Mitterrand qui, on le sait, aujourd'hui cachait un secret beaucoup plus important qui était son cancer, qui l'empêchait de vraiment présider à plein temps, qui va utiliser ce roman, Le vieil homme et la jeune fille, et l'enfant d'une relation cachée, d'une relation parallèle à son couple officiel avec Daniel Mitterrand, qui va utiliser ça de manière politique pour sa popularité qui à l'époque était très basse. Les écoutes de l'Élysée, une cellule au service du roi. C'est ainsi que l'ancien directeur de la rédaction du Monde a qualifié aujourd'hui le réseau d'écoutes téléphoniques installé dans les années 80 sous François Mitterrand. Une affaire qui est jugée en ce moment au tribunal correctionnel de Paris. Cette cellule de l'Élysée a écouté de nombreuses personnalités, dont Edoui Plenel. À l'époque, Laurent Fabius était Premier ministre. Il était cet après-midi entendu comme témoin Sébastien Legénie. Les écoutes téléphoniques, connaît pas. C'est en substance le leitmotiv répété durant une heure par Laurent Fabius devant le tribunal. Pierre Mauroy, son prédécesseur, ne lui en a jamais parlé. Le président de la République non plus. Moi, je suivais surtout les questions économiques et sociales, explique l'ancien Premier ministre. Et dans l'affaire Greenpeace, demande le président du tribunal, vous saviez qu'Edoui Plenel était sur écoute? Réponse laconique encore du député de Seine-Maritime. Non, je n'étais au courant d'aucune écoute dans cette affaire. Bref, Laurent Fabius, comme Pierre Mauroy, a donc, semble-t-il, été tenu totalement à l'écart des pratiques de la cellule carré réservée de François Mitterrand, résume le président du tribunal. Alors que se passe-t-il auparavant? Il se passe auparavant un dispositif qui est fait pour permettre, à l'abri du pouvoir, que Mitterrand fasse ce qui bon lui semble. Je dis bien « fasse ce qui bon lui semble » parce que, pour moi, ce qu'on a appelé et que j'ai révélé la cellule de l'Élysée, un cabinet noir à la présidence de la République, dont la légende dit aujourd'hui qu'en fait c'était pour cacher Mazarine Pinjot et cette double famille. Ce n'est pas mon analyse. C'est d'abord pour cacher le cancer, pour cacher ce cancer qui attrape Mitterrand dès la fin de sa première année de mandat, fin 81, même au milieu, pourrait-on dire, de sa première année de mandat. Il pense qu'il n'en a pas pour longtemps, il va faire un argument, et il faut cacher ce cancer, cacher tout le dispositif, et vous le savez, ça ira avec un mensonge, mensonge des communiqués médicaux, mensonge du docteur Gubler, officiellement médecin du président. Et ce cabinet noir, tout en cachant cette faille, qui pourrait n'en pas en être une, après tout, ce sont des êtres humains comme nous, et il n'y a rien de honteux à avoir un cancer, mais simplement, ça l'aurait probablement empêché d'être réélu en 1988. Donc dans cette construction, on cache ça, et on en profite, au prétexte du terrorisme, puisque ce sera le prétexte pour créer la cellule de l'Élysée, pour faire une sorte de bunker de la vie complexe de François Mitterrand, et en même temps en faire un cabinet de surveillance, surveiller tous ceux qui en voudraient à François Mitterrand, tous ceux qui parlent dans Paris de sa double vie, dont l'écrivain Jean Édernalier à cette époque, et puis tous ceux qui le dérangent par leurs révélations comme journaliste. Le titre de match, c'est « Le geste d'un père ». Pierre Sue, photographe, paparazzi. C'est une histoire qui n'est pas du tout triste. C'est une histoire d'amour filial, en fait. C'est un geste d'amour qu'il lui fait. En fait, qu'est-ce qu'il y avait à nous reprocher ? Rien. Ils n'ont pas dit de mauvaises choses ni sur le président, ni sur elle, ni sur sa maman. C'est une histoire un peu... C'est pas à l'eau de rose, mais voilà, c'est que du positif, quoi. Il n'y a pas du tout de malice à chercher. Par contre, ce qui est drôle, c'est que le gars qui conduisait la voiture, le chauffeur de Tonton, son chauffeur, alors c'est génial cette histoire, ça a été son chauffeur toute sa vie, et il n'avait pas le permis de conduire, le mec. Il a fait un livre, et pareil, il le dit, c'est un des scoops de son bouquin, c'est qu'il n'a jamais eu son permis, ce mec-là. Et c'était le chauffeur du président. Et lui, il a voulu me rencontrer. Et en fait, il m'a raconté, il m'a dit, ouais, bah écoutez... Le président, il était super content que ça sorte, en fait, cette histoire-là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? Quand on reprend l'histoire rétrospectivement, c'est très simple. Cette histoire-là, ça a permis sa deuxième naissance à Mazarine. Nous, en fait, on l'a fait naître officiellement pour le tout un chacun. Donc c'est une naissance médiatique. Et la conséquence directe, et je suis assez content de ça, c'est que grâce à cette photo et grâce à la révélation de son existence, elle a pu assister aux obsèques de son père. D'ailleurs, c'est une histoire qui va nous emmener jusqu'à la disparition du président. Hein. Moi, jusqu'à 8 janvier 96, régulièrement, hein, presque chaque semaine, je photographiais le président et sa fille. Match, ils nous ont demandé de continuer à travailler sur elle, tout de suite. Parce qu'évidemment, ce Paris Match-là, il a été épuisé, ils ont dû le retirer en plein milieu de la semaine. Au bout de 2 jours, il n'y en avait plus. Ils ont dû faire un retirage conséquent. Hein. Ils ont retiré 1 million et quelques d'exemplaires qu'ils ont vendus aussi. Donc, au vu des scores de vente, ils nous ont dit bah, « continuez à travailler sur Mazarine ». Et c'est ce qu'on a fait. On se cachait pratiquement plus à la fin, elle nous voyait. Et un jour, elle est venue nous voir. Elle nous a dit « écoutez, j'en ai assez, qu'est-ce que vous voulez ? Vous faites des photos de moi partout, là, tout le temps. » Surtout qu'elle vivait une vie vraiment d'étudiante simple. Là, pour le coup, il y avait très peu souvent des policiers. Je pense qu'elle était protégée par la police lorsqu'elle allait voir son père. Et on lui dit « on veut faire un rendez-vous photo avec toi et une interview. » Et nous, on nous avait demandé ça. Alors elle nous dit « bon, l'interview, c'est non, et pour les photos, je vais voir. » Elle dit, écoute, si jamais tu es d'accord, eh bien, rendez-vous en haut du Pont Neuf et on fera les photos sur le pont et au square du Vert-Galant dans, je ne sais plus combien, 2 ou 3 jours, à telle heure, à 16h. Si tu es OK, on t'attend. On se regarde avec Sébastien, on se dit jamais, elle ne le fera pas. Donc on se pointe à l'heure. Et à l'heure précise, qui arrive ? Mazarine. Et là, on n'y croit pas. On se dit, non, c'est pas vrai. Et ensuite, on descend dans le square du Vert-Galant. Et là, donc on fait des photos à tour de rôle avec Sébastien, hein, qui fait l'assistant, l'autre moitié-moitié, quoi, pour que tout le monde en profite, hein, en gros. Et là, je fais une belle photo d'elle. Je me mets au-dessus en plongée. Il y a une belle lumière. Je lui dis, elle relève un peu le visage, comme ça. Parce que, par ailleurs, les paparazzis font pas que des photos floues. Nous, on est des photographes, on sait faire des photos. Sébastien a fait une grande école de photographie. Moi, je m'intéresse beaucoup aux médiums. On sait faire des belles photos quand on a l'opportunité de pouvoir. Et là, en l'occurrence, je fais un portrait d'elle, en plongée, comme ça. Elle est assise. Je dis, relève le visage, regarde-moi, paf, paf, paf. La photo, elle est très belle. Et elle fait la couverture de Paris Match. Alors, il twiste le titre du genre « Entretien avec Mazarine », genre « Elle a donné un entretien à Match ». Alors que pas du tout. Elle voulait pas faire d'interview, c'était le deal. Que des photos. D'ailleurs, apparemment, ça l'a un peu énervé, hein, parce qu'elle a démenti à la radio tout de suite. Je crois qu'elle dit que ouais, c'est les paparazzis qui ont fait les photos de moi avec mon père, qui m'ont forcé la main un petit peu. Enfin, elle aussi, elle, voilà. Chacun donne sa version du truc. Moi, ma version, c'est celle-là. Et bon, on voit bien sur les photos que de toute façon, elle pose pour moi. Elle me regarde, c'est tout prêt. Enfin, c'est des photos, des belles photos. Et il se trouve que cette photo-là, c'est incroyable. Pareil, on m'a rapporté que, mais je ne l'ai pas vue. Mais lorsque le président est décédé, le président Mitterrand, il avait cette photo-là encadrée sur sa table de nuit. Quand même, hein. François Mitterrand, c'est ce qui fait la richesse de son aventure. Et quelqu'un qui cumule tout. Il cumule des passés politiques contradictoires. Edoui Plenel. C'est un aventurier, François Mitterrand. Un aventurier de talent, capable de séduire les gens, capable d'avoir des relations avec des milieux très très différents, très professionnels. C'est pas un homme de parti, c'est pas un homme du collectif, c'est pas un homme qui rend des comptes à qui que ce soit. C'est vraiment un aventurier démocratique. Ce n'est pas devenu un dictateur, mais c'est une aventure, entre nous, de pouvoir total, personnel, y compris sur les êtres. Et je pense, y compris dans ses relations avec les femmes. C'est-à-dire, c'est un rapport d'aventurier qui domine, qui instrumente, qui manipule. Ça l'empêche pas d'être cultivé, mais c'est une aventure personnelle. Elle a réussi à prendre une espérance collective, et puis elle est passée dans cette aventure personnelle. Et donc, pour moi, c'est là où quelque chose s'est emparé de notre vie publique, avec l'explosion médiatique qui va de pair, la fin d'un récit médiatique plus classique, plus traditionnel, ancré sur la formation, ancré sur une certaine forme de rigueur. Et on va avoir cette mise en scène d'un président qui va à des émissions formatées, prévues d'avance, notamment cette émission avec le journaliste Yves Mourouzi, où il est convenu qu'il dise qu'il sait ce que c'est parler chez branché, où il laisse le journaliste mettre ses fesses sur son bureau pour l'interroger, hein, dans une sorte de privauté, hein, d'absence de distance, de fausse familiarité. Et pour moi, le cœur de ça, c'est l'individualisation de la politique, et dans cette individualisation, la place pour l'aventure personnelle. C'est l'aventurier. Et tout ça a pour but, au final, et nous en payons le prix aujourd'hui, avec la remontée des pires haines, des pires violences, des idéologies d'inégalité naturelle, de haine de l'autre, etc., c'est la dépolitisation. Lui, c'est lié quand même à des institutions qui sont extrêmement présidentialistes, donc personnalisées. Hein. Michael Fessel, philosophe. Par conséquent, il y a dans ce type d'attitude, de la part de certains hommes politiques, pas tous hein, d'ailleurs, hein, il y en a qui gardent quand même de manière vigilante un voile sur leur vie privée, mais il y a une certaine manière l'aveu que la politique, les arguments politiques ne suffiront plus à susciter l'adhésion ou d'ailleurs le rejet. Et par conséquent, c'est d'une certaine manière, ce qui est le plus préoccupant, c'est que ceux et celles qui sont censés précisément redonner un peu de noblesse aux politiques partent battus en disant que finalement, ceux qui ne peuvent plus gagner du point de vue partisan, idéologique au bon sens du terme, hein, ou par la conviction politique, ou par l'idée de transformer la société dans un sens ou dans un autre, bon, mais enfin, en tout cas qu'il n'y aura pas d'inertie, eh bien, ils lui substituent une image d'eux-mêmes qui est censée convaincre les électeurs. Alors, il faut donner de soi ou une image, bon, jugée plutôt affriolante. Moi, j'avais été frappé en particulier par la monstration de soi, si je puis dire, ou la démonstration plutôt d'ailleurs, par Nicolas Sarkozy, de sa relation avec Carla Bruni, je crois, enfin la déclaration, l'officialisation, mais faite depuis Disneyland. Donc, il y avait là, si vous voulez, c'était pas tellement d'ailleurs la privatisation de l'espace public, hein, parce que Disneyland n'est pas un espace public, c'est un espace commercial. Bon. Et par conséquent, il y avait cette idée, finalement, de montrer qu'on est quelqu'un d'ordinaire, mais le montrer de telle sorte que ce soit parfaitement contradictoire. Hein. C'est-à-dire, il y a une contradiction performative, vous voulez dire, je suis comme vous, simplement, moi, quand je montre ou je présente ma femme, bon, d'ailleurs, on voit aussi le côté un peu genré de la chose, hein, c'est moi qui vous présente ma femme, bon, et de le faire devant une multitude de journalistes et de caméras. Bonjour à tous. Nicolas Sarkozy à nouveau côté cœur. Le président divorcé s'affiche avec la chanteuse Carla Bruni, liaison quasi officielle après une rafale de clichés ce week-end à Nice-des-Landes. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni avaient envie de le faire savoir. Sinon, je ne vois pas pourquoi ils seraient allés à Euro Disney pour aller regarder la parade de Mickey. Carla Bruni qui pourrait chanter après-demain au Noël de l'Élysée. Nicolas Sarkozy ne tient pas en place. Hier, le chef de l'État faisait son jogging à Wolfboro en short et en t-shirt aux couleurs du GIPN, le groupement d'intervention de la police nationale. Avant ça, ce week-end, il aura été vu sur un court de tennis et bien sûr à Kennebunkport, la résidence de la famille Bush, où il était invité à un pique-nique à la Bonne Franquette. Même en vacances, donc, Nicolas Sarkozy veut être partout et toujours en action. Cette évolution, montrant par exemple le corps des hommes et des femmes politiques, se faisait quasiment pas auparavant. Jamil Daklia, sociologue des médias. Avant, l'homme ou la femme politique était recouvert d'un uniforme, d'un costume très standardisé, et on ne voyait pas autre chose. Là, les hommes et les femmes politiques commencent à acquérir une dimension charnelle. On peut voir leurs qualités, leurs défauts physiques. Eux-mêmes en jouent. Nicolas Sarkozy se montre en train de faire du jogging ou du vélo, mais parce qu'il veut communiquer à partir de là. Il veut communiquer le fait qu'il est performant, dynamique, qu'il est en parfaite santé. Ce qui, entre parenthèses, est une manière de se poser en contraste par rapport à un François Mitterrand qui cachait son état de santé. Donc tout ça est l'effet de l'action conjuguée d'hommes et de femmes politiques qui essayent d'utiliser leur vie privée, la communication sur leur apparence aussi dans un but électoraliste, et de médias qui s'enhardissent à creuser dans cette direction parce qu'ils savent que, quoi qu'ils en disent, les lecteurs en sont friands. Il y a cette distinction, personne publique d'un côté, personne ordinaire de l'autre, vous et moi. Jean-Louis Alperin, historien du droit. La personne ordinaire n'a pas d'activité publique, ou en tout cas elle est très réduite, et a au contraire un espace très large de vie privée, tout simplement parce que nous n'avons pas consenti à ce que notre vie soit connue par tous. Hein. Bon, il y a des choses qui doivent être connues, notre profession, nos revenus pour le fisc, bien évidemment notre état civil pour l'administration, mais nous avons un très large espace de vie privée, défini d'abord à partir du domicile, mais que de plus en plus on a élargi au-delà du domicile et de la vie familiale. À l'inverse, les personnes publiques ont un très large espace de publicité. Bon, ça veut dire, par exemple, ça tout le monde le sait finalement, qu'on a le droit de photographier un personnage politique hein, quand il se déplace, quand il est en public, dans un meeting, il n'y a pas besoin de demander une autorisation à chaque fois. Mais ça ne signifie pas pour autant que les personnages publics n'ont pas de vie privée. Et là aussi, dans tous les pays concernés, il y a une jurisprudence constante pour dire que même les personnes les plus célèbres, même les personnes dont la vie est la plus publique, la reine d'Angleterre par exemple, ont droit à un espace d'intimité et de vie privée. Là aussi, c'est finalement à ces personnes de le définir. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes arrivent très bien à le faire, hein, qu'il s'agisse de responsables politiques, de vedettes, de personnalités. Comme on dit couramment, celles et ceux qui veulent protéger leur vie privée le font très bien. Vous voyez aussi le corollaire, hein, celles et ceux qui ne la protègent pas bien sont souvent responsables de légèreté et aussi d'une recherche de la publicité de leur vie privée. Le dévoilement sur la vie privée commence depuis deux décennies à peu près en France à revêtir une valeur démocratique qui est considérée comme une exigence démocratique avec l'argument que certains faits privés permettent d'éclairer des décisions politiques. Je pense notamment à l'ouvrage d'Ariane Chemin et Raphaël Baquet, « La femme fatale » sur Ségolène Royal, qui commente justement les différents conjugaux entre Ségolène Royal et François Hollande, en motivant cela par le fait que ça ait pu expliquer des prises de position du Parti socialiste, un manque de soutien. Donc il y a une relation assurée entre des faits privés et la vie publique, la vie politique. Et ce paradigme-là, qui est de dire que le privé parfois peut être politique, c'est relativement récent dans l'histoire française. Alors que dans d'autres pays, cette nécessité d'interroger, y compris le comportement privé, sans pour avoir forcément une valeur puritaine, cette nécessité relève de l'évidence. La frontière entre privé et public, pour nous, journalistes, c'est, au fond, est-ce que ceux qui ont du pouvoir utilisent l'alibi du privé pour abuser de leur pouvoir. En l'occurrence, si dans le privé du pouvoir, un homme agresse une femme, ce n'est pas sa vie privée, c'est quelque chose de public. Si dans le privé du pouvoir, quelqu'un promeut ses proches, fait des arrangements, etc., ce n'est pas sa vie privée, ça devient quelque chose de public. Un poète, que philosophe, penseur, que j'aime beaucoup, qui est un ami, Édouard Glissant, défend ce concept d'opacité. Nous avons tous un droit à cette opacité qui n'est pas, c'est pas l'ombre, c'est pas la nuit, l'opacité, c'est opaque, il y a un peu de mystère. Nous avons tous une part intime de mystère à protéger, voilà. Là, il s'agit de l'abus de secret pour, dans l'alibi du privé, protéger son pouvoir. Et donc, nous, notre travail, qui n'est pas de l'ordre de la transparence, c'est l'autre mot que je n'aime pas, parce que transparence, ça a l'air de dire, vous êtes des violeurs d'intimité, il n'y a plus avec vous, tout est transparent, il n'y a plus d'opacité, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de contradictions intimes. Moi, je suis du côté de quelque chose dont je rends compte devant les tribunaux, si on me poursuit, qui est le droit de savoir. Est-ce que c'est d'intérêt public ? C'est toujours un arbitrage pour nous, journalistes. C'est vrai qu'en France, on a souvent tendance à crier à une dérive puritaine, à une influence américaine, dès lors qu'on parle de la vie privée des hommes et des femmes politiques. Seulement, ce dont on peut se rendre compte, c'est que d'abord, certaines affaires, certains scandales, par exemple, politico-sexuels, renvoient à des délits supposés, et donc n'ont pas de vocation particulière à être cachés. Et puis, par ailleurs, c'est aussi une manière d'éclairer le débat politique. Et on le voit bien dans la manière dont, je dirais, certains groupes, certains individus s'emparent de ces révélations. Si je prends l'affaire Strauss-Kahn, par exemple, eh bien l'affaire Strauss-Kahn, on a vu que ça a mis aux prises un certain nombre de groupes, d'identités aussi. Donc il y a eu des féministes, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Il y a eu des formes d'identification, je dirais, ethno-raciale aussi autour de cette affaire. Ça a renvoyé à des questions de pouvoir dans la société. Tout cela a fait débat et du coup, le fond de l'affaire et ce qui s'était passé avait un vrai enjeu. C'est indéniable. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que derrière des révélations ou la médiatisation volontaire ou subie d'éléments privés, s'engagent souvent des discussions sur des sujets d'enjeux publics. Je prends par exemple Rachida Dati, lorsqu'elle avait repris son travail une semaine seulement après avoir accouché. Ça peut paraître dérisoire d'en parler, certains trouvaient ça honteux, ridicule, mais ça a relancé le débat sur le congé de maternité, sur la conciliation entre maternité et travail, qui pour le coup est un débat on ne peut plus sérieux. Est-ce que ce ne serait pas aussi le début d'un processus un petit peu vertueux, en un sens, qui conduirait les citoyens à porter une attention plus grande à justement la vie privée dans le sens d'une sorte de probité morale ou en tout cas un certain sens de l'engagement ou de sens de l'authenticité qu'il peut y avoir chez les dirigeants? J'aimerais croire à un processus vertueux, mais j'ai peur qu'il se perde justement dans les sables de l'anecdote, du divertissement. Récemment, la vie de Bernard Tapie a été louangée, racontée comme une superbe aventure jusqu'au sommet de l'État et avec toute une ville rassemblée à Marseille. Bernard Tapie est sans aucun doute un personnage de haut vol et sans aucun doute romanesque, mais la vie de Bernard Tapie est celle de quelqu'un qui a commis des délits. C'est quelqu'un qui a parfois escroqué, escroqué dans un match de foot qu'il a truqué, qui a fait des carambouilles dans des histoires d'entreprise, qui a réussi à obtenir par les pressions dont on ne connaît pas les clés une justice privée. Bon, bah, tout ça passe au second plan. Et donc là, il y a pour moi une vraie culture démocratique de très basse intensité et qui passe par ce double divertissement, le divertissement de la personnalisation, parce que derrière, c'est ça. Il faut montrer qu'il y a des histoires de séduction, des histoires de couples improbables, comme celui de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. Tout ça, le privé devient l'alibi du public et on le met en scène. Et en même temps que l'on fait ça, c'est les opinions, les pires, qui se déversent dans le débat public. Et dans ce contexte, qu'est-ce qui meurt ? L'information. L'information. Le fait que l'on sache ce qui se passe. C'est comme si on nous mettait toute une scène qui n'est même pas de mensonge, c'est autre chose, c'est une représentation pour nous distraire, pour nous détourner et pour qu'on ne s'occupe pas de l'essentiel. Merci à Jamil Daclia, Michael Fessel, Jean-Louis Alperin, Jean-Michel Pedrazzani, Edoui Plenel et Pierre Su. Documentation INA, Inès Barja. Prise de son, Jeffrey Marianne et Romain Luquiens. Mixage, Marie Le Peintre. Coordination, Perrine Carvran et Marie-Vonne Abolivier. L'affaire Mazarine, la vie privée au service du pouvoir, un documentaire de Manon Prigent et Séverine Cassard. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter pendant la planque, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, les années SIDA, se dire séropos, un acte politique. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.